Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. L'image a choqué tous ceux qui ne pouvaient oublier. Les survivants ou les parents des morts du Drakkar, cet immeuble de Beyrouth où les para-français de la force internationale étaient basés. Oui, l'image du chef d'État syrien présent dans la tribune présidentielle lors du défilé du 14 juillet 2008 a choqué. Car nombreux étaient ceux qui attribuaient la responsabilité de l'attentat du Drakkar à la Syrie. Un attentat qui, rappelons-le, a coûté la vie à 58 de nos soldats en octobre 1983. Pour l'armée française, il s'agissait du bilan meurtrier le plus lourd en une seule journée depuis la fin de la guerre d'Indochine. Face aux critiques, des critiques d'autant plus virulentes qu'un détachement de casques bleus défilant ce 14 juillet avait été baptisé du nom du lieutenant qui commandait les paras du Drakkar, les autorités françaises ont répliqué que la Syrie n'était en rien impliquée. C'était l'Iran et le Hezbollah qui avaient perpétré cet attentat. On verra ce qu'il en est avec Monsieur X. Mais surtout, bien sûr, 30 ans après, en invitant Bachar el-Assad, il était temps de faire table rase du passé. Et pensant clore la polémique, le ministre de la Défense de l'époque a même cru bon ajouter « Avec ce genre de raisonnement, les Allemands seraient toujours nos ennemis. » Ce qui, au vu de ce qu'il se passe aujourd'hui en Syrie, paraît pour le moins insolite. Monsieur X a donc choisi de revenir cette semaine sur les circonstances de ce terrible attentat et les mystères qui l'entourent toujours. اتجوز حتى ارجع طلق حتى هالغلطة ما ارجع ما ارجع عيدها خليني اتعلم من كيسي عبكير واقعد اندم عروا ما انا بحب الروا على فكرة رح أعمل ثورة حتى تفشل طبعا حتى هالغلطة ما ارجع ما ارجع عيدا خليني اتعلم من كيسي عبكير واقعد اندم عروا ما انا بحب الروا يعمل غلطة يبقى عارف إنها غلطة حلو الواحد يقنع حاله إنه اليسار منه أونطة وإنه ما في طائفية الدنيا كلها ديمقراطية خليني أحلم عروة وببقى بتعلم انا بحب Avant d'en venir plus précisément à l'attentat du Drakkar, il faut rappeler que ce même jour, le 23 octobre 1983, 1 minute 30 plus tôt, le siège des Marines américains à Beyrouth a été soufflé par une impressionnante explosion et qui a provoqué la mort de 241 soldats. Oui, ce n'était pas par hasard. Hein. Ah, bien évidemment. Il s'agissait de deux actions concertées contre la présence au Liban d'une force internationale de sécurité, comprenant en particulier des contingents états-uniens et donc français. Alors, pour bien comprendre, il faut faire un tout petit retour en arrière. Mais bon, rassurez-vous, je serai bref. En 1983, cela faisait 8 ans que le Liban était plongé dans une interminable guerre civile. Ouais, où l'on a assisté à de nombreux renversements d'alliances. Et à l'exacerbation des conflits par les puissances de la région, oui. A commencer naturellement par la Syrie, qui a toujours considéré que le petit Liban était partie intégrante de son territoire. Ouais, ça, c'est le mythe de la Grande Syrie. Oui, et à ce propos, il faut se souvenir que c'est le camp chrétien qui a appelé au secours la Syrie. Ouais, et qui a donc permis à celle-ci de s'installer durablement au Liban. En juin 1982, les Israéliens, qui ont depuis longtemps le Liban dans leur ligne de mire, interviennent à leur tour. Je crois que ça s'appelait l'opération Galilée. C'est-à-dire d'abord l'invasion du sud Liban pour, en principe, protéger leur frontière nord. En réalité, ce que veut Sharon, qui est le maître d'œuvre de cette opération, c'est écraser l'OLP de Yasser Arafat et la chasser du Liban, avec la complicité des milices chrétiennes. Et donc, éradiquer une fois pour toutes la présence palestinienne au Liban. C'est ça. Mmh. Et notons au passage que cette invasion qui conduira de Tsahal jusqu'à Beyrouth fera 20 000 morts et plus de 30 000 blessés. Cependant, en août, après de longs pourparlers, Israël accepte le déploiement d'une force multinationale d'interposition avec l'aval de l'ONU. Avec déjà des Américains, des Italiens, des Français. Cette force permettra le retrait total des troupes de l'OLP de Beyrouth. Et en septembre, sa mission étant terminée, cette force d'interposition quitte le Liban, sans doute prématurément. Parce qu'après l'assassinat du président Bechir Gemayel, fraîchement élu avec le soutien d'Israël, les milices chrétiennes vont massacrer les réfugiés palestiniens des camps de Sabra et Shatila. Ouais, sous le regard des militaires de Tsahal. Qui se garderont surtout d'intervenir. Toutefois, l'émotion internationale est telle que les présidents Reagan et Mitterrand décident aussitôt du retour de leurs soldats au Liban. Et ce sera la force multinationale de sécurité de Beyrouth qui sera chargée de s'interposer entre les factions armées antagonistes, puisque le pouvoir libanais, incarné par Amin Gemayel, est trop faible pour assurer cette tâche. À la fin de ce même mois de septembre, les Israéliens se retirent de Beyrouth Ouest. Oui, mais ils s'installent au Liban Sud, où ils suscitent la formation d'une armée libanaise alliée. Et dorénavant, plus que jamais, c'est le président syrien Hafez el-Assad qui va être le maître du jeu. Ouais. Malgré la présence de la force internationale. Il va tout faire pour obtenir le départ des soldats de cette force. Tout faire. Alors, vous insinuez là que la Syrie pourrait se trouver derrière l'attentat du Drakkar. Je vous en prie, n'allons pas trop vite. Mais c'est vrai que les soldats de cette force multinationale deviennent des cibles pour les Syriens. Parce que leur seule présence interdit à la Syrie de mettre complètement la main sur le Liban. D'où un premier et sanglant avertissement à la mi-avril 1983. Un kamikaze fait exploser un véhicule bourré d'une tonne d'explosifs devant l'ambassade américaine. 52 personnes, diplomates, personnel militaire et employés libanais sont tués. Et il y a de très nombreux blessés. Un attentat perpétré par un kamikaze, c'est nouveau au Liban. En effet, et c'est aussi une nouvelle organisation qui revendique cet attentat, le djihad islamique. Ouais. Mais qui se cache derrière? On a le choix, mais il est très tentant de regarder vers Damas. En tout cas, la situation à Beyrouth devient plus dangereuse que jamais. Les menaces d'attentats à la voiture piégée se multiplient et les militaires de la force internationale sont régulièrement attaqués, à tel point qu'ils vivent confinés dans leur casernement. En même temps, à l'initiative des services secrets syriens omniprésents au Liban et de leurs alliés iraniens, on a vu naître un autre mouvement armé, le Hezbollah. Ouais, là, il s'agit d'une organisation chiite sécessionniste. C'est ça. C'est d'abord une branche du mouvement Amal. Mais le Hezbollah, très lié aux gardiens de la révolution iranien, prend rapidement son indépendance et voit son influence progresser. Mmh. Aujourd'hui, le Hezbollah est toujours solidement implanté au Liban. Où il fait la pluie et le beau temps, et on voit même des militants combattre aux côtés de l'armée de Bachar al-Assad. Mais enfin, revenons à cette terrible année 83. Paris a pris la mesure de la dangerosité de la situation libanaise. Et il envoie à Beyrouth un nouvel ambassadeur, Fernand Vibault, un homme à poigne, un ancien des réseaux Focard, qui ne répugne pas à user de la manière forte quand il le faut. La manière forte, c'est-à-dire? Vibault connaît bien les services secrets et n'ignore rien de leur méthode. Alors, coïncidence ou pas, une action clandestine va être conduite contre le Hezbollah. Quoi, par les services français? Oui, et peut-être aussi avec les Américains. Alors, de quoi s'est-il agi, là? Une observation, d'abord. Cette action restera longtemps secrète, et ce n'est pas trop étonnant, car les attentats contre les contingents états-uniens et français qui ont suivi tout de suite après n'ont peut-être été que des mesures de représailles. Ouais, donc on n'avait pas intérêt à en parler. C'est ce que je voulais dire. D'autant qu'un grand pays ne peut pas avouer qu'il a eu recours au terrorisme. Alors, voyons cela plus précisément. C'est vraisemblablement au début octobre 1983 qu'une équipe du service action a été envoyée au Liban. Sa mission, perpétrer un attentat contre le cheikh Mohamed Hussein Fadala. Qui c'est Fadala? C'est alors un haut responsable des chiites libanais. Il a succédé au très charismatique Moussa Saad. Ah oui, ce responsable religieux là, qui a disparu assez mystérieusement en Libye. Hein. Oui, sans doute liquidé par Kadhafi. Alors pourquoi s'attaquer à Fadala? Parce que, devenu le dirigeant de la communauté chiite libanaise, il est aussi de facto le chef spirituel du Hezbollah. J'ajoute qu'il a tissé des liens très étroits avec les ayatollahs iraniens. Les Iraniens de plus en plus impliqués au Liban. Hein. Fadlala est donc une cible et les Français du service action garent un véhicule piégé avec 200 kilos d'explosifs devant son domicile de Beyrouth. 200 kilos, c'est énorme. Oui, mais la voiture n'explose pas. Alors pourquoi? Il n'y a que deux explications. Ou bien les agents français ont été particulièrement maladroits, ou bien ils n'étaient pas prévus que l'auto explose. Que voulez-vous dire, là? Eh bien, peut-être qu'on voulait simplement adresser un message au cheikh. Un avertissement, en somme. Toutefois, ce qui me fait douter, c'est que les hommes n'ont rien fait pour maquiller leur besogne. La voiture, par exemple. Les services de sécurité du cheikh vont très vite découvrir qu'elle a été empruntée à la force multinationale au Liban sans aucun camouflage. C'était donc les mettre très vite sur la piste des commanditaires. Naturellement. Et le 23 octobre, donc quelques jours après cette opération apparemment ratée, c'est le double attentat contre les militaires américains et français. Alors, s'il s'agissait d'un avertissement adressé aux chiites, c'était également raté. Et sauf qu'on ne sait pas si ces chiites ont été impliqués dans la préparation de ce double attentat. Bon, et disons-le tout de suite, plus grand flou demeure sur l'identité des terroristes qui ont frappé les États-Unis et la France. Encore aujourd'hui? Oui, on ne sait toujours pas avec certitude, même si une organisation inconnue, le mouvement de la révolution islamique libre, a revendiqué la responsabilité des attentats. Un faux-né. C'est évident. Alors, bon, avant d'essayer de répondre à cette question essentielle, je vous propose de revenir sur les faits. Et là encore, je suis obligé de vous dire que même ces faits donnent lieu à plusieurs hypothèses, des hypothèses et des mystères. Retour sur la personne du cheikh Fadala, qui aurait donc été visé par un attentat français. À l'occasion de sa mort en 2010, le journal Le Monde a publié une nécrologie dont j'extrais ces quelques lignes. Chassé par les phalangistes chrétiens au début de la guerre en 1976, Mohamed Hussein Fadala doit se replier dans le sud de la capitale. La disparition de Moussa Sadr en Libye en 1978, puis la révolution islamique iranienne un an plus tard, le propulse alors au premier plan, même si, au final, il concède que le modèle politique qui s'esquisse en Iran ne saurait être dupliqué au Liban. Fadala est proche du régime iranien et multiplie d'ailleurs les séjours à Téhéran, où il se rapproche de Ruhollah Khomeini et d'Ali Khamenei. Il apparaît dès 1983 comme le chef spirituel du Hezbollah, la formation radicale qui va rapidement concurrencer Amal, la milice du mouvement des déshérités créée par Moussa Sadr. Il revendique alors un rôle d'inspirateur et d'idéologue du mouvement pro-iranien qui se réapproprie notamment ses discours anti-impérialistes et qui s'engage dans la lutte armée, y compris le terrorisme au nom de la résistance à Israël. Il sera pourtant sollicité par les négociateurs occidentaux lors de la crise des otages. Précision. Fadlala sera visé une deuxième fois en mars 1985 par une voiture piégée, attentat imputé à la CIA en représailles à des attaques anti-occidentales. Et s'il en a réchappé lui-même, près de 80 personnes y ont trouvé la mort. Le bâtiment Dracar était un immeuble haut de 8 étages situé au sud de la corniche, à quelques 800 mètres de l'ambassade iranienne. Et ce nom-là, Dracar L'armée française avait attribué à tous les lieux qu'occupaient ses soldats des noms de bateaux. Habituellement, 110 chasseurs parachutistes logeaient au Dracar. Mais heureusement, ce 23 octobre, 40 d'entre eux étaient en patrouille ou avaient simplement reçu l'autorisation de sortir. Vers 6h30, ceux qui étaient restés se réveillaient ou se préparaient. Ouais, et puis j'imagine qu'il y avait des sentinelles, là. Bien évidemment. Je reviendrai sur ce point précis et plus généralement sur les mesures de sécurité qui avaient été prises. Donc, je reprends. Vers 6h30, les para-français ont entendu une explosion du côté de l'aéroport, dans un secteur contrôlé par les Américains. Puis, ils ont vu un champignon de fumée noire qui s'est élevé dans le ciel. Les Français ne pouvaient pas encore le savoir, mais c'était un casernement des Marines américains qui venait de sauter. Et on dénombrera 241 morts. 1 minute 30 seulement après, c'était le Dracar qui explosait. Et là encore, ça a été une gigantesque explosion. Oui, les rares survivants ont déclaré qu'ils ont entendu sous leurs pieds un bruit énorme. Puis ils ont vu une boule de feu, ils se sont sentis soulevés, puis ils sont retombés tandis que les murs et les plafonds s'écroulaient sur eux. L'immeuble a été pratiquement rasé. Oui, les 8 étages. C'est pourquoi les survivants coincés entre les blocs de béton ont été rares et la plupart ont été grièvement blessés. Ouais. Et le bilan alors ? 55 paras du 1er RCP et 3 du 9e RCP y ont trouvé la mort. Et il ne faut pas non plus oublier la femme du gardien libanais et ses 4 enfants qui ont péri, écrasés. Et en France, l'émotion a été considérable. Oui, et aussitôt, je pense que vous vous en souvenez, le président François Mitterrand, accompagné de son ministre de la Défense, Charles Hernu, a pris la décision de se rendre immédiatement sur place. Malgré les dangers d'un tel déplacement. Et j'imagine que les responsables des services de sécurité ont dû avoir des sueurs froides, jusqu'au retour du président sur le sol français. Mais passons. Et revenons sur les circonstances mêmes de l'attentat. Selon la thèse officielle, c'est un camion piégé qui a réussi à pénétrer dans l'enceinte du Dracar et a même pu s'introduire dans le sous-sol de l'immeuble. Oui, le garage, quoi. Et l'attentat contre les Marines a également été perpétré par un camion bourré d'explosifs. Effectivement. Et on a retrouvé ensuite dans les décombres des débris de ce camion. Ce qui n'a pas été le cas du Dracar. Quand on n'a pas découvert de traces de pièces de ce véhicule ? Rien. Et plus tard, on a parlé d'un moteur, mais d'après les parasurvivants, ce moteur se serait trouvé depuis longtemps dans l'immeuble. Ah, c'est troublant, ça. Ce n'est pas le seul élément qui intrigue. Il faut d'abord observer que les rescapés, blessés ou bien portants, ont été immédiatement tenus au secret. D'abord sur un navire ancré au large de Beyrouth et ensuite lors de leur retour en France. Les chambres des 15 blessés hospitalisés au Val-de-Grâce ont, par exemple, été gardées par des gendarmes qui avaient pour mission d'empêcher les journalistes d'y pénétrer. D'ailleurs, tous ont reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec les médias. Mais donc, on voulait cacher quelque chose. C'est la première idée qui vient à l'esprit. Ouais. Mais alors, quoi ? Dans un instant, je vais essayer de vous répondre. Auparavant, encore un mot sur la thèse officielle. Selon un rapport classé confidentiel défense, les événements se sont ainsi déroulés. Malgré les tirs d'une ou plusieurs sentinelles, une camionnette piégée a réussi à se jeter contre l'immeuble Dracar, où elle aurait immédiatement explosé, entraînant la destruction totale du bâtiment. Et les rescapés ont été fermement invités à témoigner dans ce sens par les officiers qui les ont entendus. Or, plus tard, ces mêmes rescapés ont infirmé cette version. Alors, que disent-ils, eux ? D'abord, ils n'ont pas entendu de tir avant l'explosion. Ce qu'ont confirmé un survivant qui était de garde sur le toit du Dracar et 2 autres paras qui se trouvaient sur un balcon face à l'entrée par où serait arrivé le véhicule piégé. Mais vous dites par où serait passé le véhicule, parce qu'il y a aussi des doutes alors sur l'existence de ce camion. Eh bien oui, oui, ces mêmes rescapés affirment aujourd'hui qu'ils n'ont ni vu ni entendu ce camion. Des témoignages qui sont corroborés par d'autres paras installés dans un immeuble voisin baptisé Catamaran est situé à moins de 100 mètres du Dracar. Ceux-là sont d'autant plus affirmatifs qu'ils se sont précipités sur le balcon après avoir entendu l'explosion qui a détruit le QG des Marines américains. Et toujours sur ce balcon, ils ont assisté à la destruction du Dracar 1 minute et 30 secondes plus tard. Et ils n'ont pas vu de camion. C'est ça. Autre chose. Un camion n'aurait pas pu passer et s'engouffrer dans le sous-sol en raison des nombreuses protections qui existaient autour du Drakkar. Quoi, par exemple ? Situé dans une rue dont les deux issues étaient complètement barrées, le bâtiment était entouré d'un mur et protégé par des levées de terre. Mais il y avait quand même une entrée. Oui, mais située sur le côté. Elle était protégée par une chicane et des barbelés. Il n'y avait aucune possibilité qu'un camion puisse passer en force. Il aurait été obligatoirement remarqué par les sentinelles de garde. L'adjudant d'unité chargé de la protection du bâtiment, Omar Marie-Madeleine, a par ailleurs indiqué que quelques minutes avant l'explosion, il avait personnellement supervisé le dispositif qui comprenait notamment 6 armes anti-char et 2 mitrailleuses lourdes. Et c'était suffisant pour arrêter un camion, même lancé en pleine course. On peut l'imaginer, d'autant que la chicane aurait ralenti son allure. Enfin, je vous l'ai dit, on n'a retrouvé aucun débris de la carcasse du véhicule. Dernier détail curieux sur certains clichés, on voit très nettement une flamme qui sort du dessous de l'immeuble avant qu'il ne s'effondre. Je veux bien, mais si ce n'est pas un camion piégé qui a causé la destruction totale de l'immeuble, alors que se serait-il passé ? Rescapés et familles des militaires qui ont péri ont émis une autre hypothèse. Le Drakkar aurait été miné et l'explosion aurait été déclenchée à distance, ce qui correspond d'ailleurs aux avis émis par les spécialistes de la destruction des barres d'HLM, par exemple. Car selon eux, un camion lancé contre l'immeuble n'aurait pu provoquer son effondrement total. Mais d'accord, mais là, comment miner un bâtiment occupé par des soldats et disposer les énormes quantités d'explosifs qui ont dû être utilisées ? La solution est peut-être celle-ci. Le Drakkar avait précédemment été occupé par des membres des forces spéciales syriennes qu'on appelait aussi les panthères roses, en raison de la couleur pourpre de leur treillis. Ces brigades étaient au service de Rifat al-Assad. Le frère du président Hafez. Et l'organisateur des bases œuvres du régime jusqu'à ce que les deux frères se fâchent. Il est vrai que si l'immeuble avait été miné, ça expliquerait qu'il se soit ainsi écroulé sur lui-même. Parce que, toujours d'après les spécialistes, il aurait suffi de poser des explosifs sur les poteaux de béton armé qui, à la base de l'immeuble, supportaient le poids de tout le bâtiment. Oui, mais en minant le Drakkar, les panthères roses auraient donc préalablement su ou deviné que l'immeuble serait ensuite occupé par les para-français de la force multinationale. Et vous avez raison de mettre l'accent sur ce point, car ça paraît un peu bizarre. Autres éléments qui jettent un doute sur cette hypothèse. D'abord, cette information livrée par les services libanais. Le 21 octobre, 2 jours avant le double attentat, ils auraient repéré 2 véhicules suspects entrant dans Beyrouth par le même itinéraire. Or, il semble bien que c'est l'un d'eux qui a été utilisé contre les Marines. Et l'autre aurait été lancé alors contre le Drakkar. Éventuellement. D'autre part, quand le Drakkar a été choisi pour héberger les para-français, l'immeuble était en piteux état, car il avait subi de nombreux tirs pendant la guerre civile. Aussi, des réparations importantes y ont été faites avant que les paras s'y installent. Et à cette occasion, le génie et les équipes de déminage ont procédé à des sondages. Ouais, donc on peut penser que les mines, s'il y en avait, auraient été découvertes. Et d'autant qu'il a fallu au moins 1,5 tonne d'explosifs pour détruire le bâtiment. Ou alors, il faut supposer que le travail de déminage a été mal réalisé. Ça fait quand même beaucoup d'interrogations. Et pour moi, le point le plus troublant reste celui-ci. Pourquoi l'armée a interdit aux rescapés de témoigner ? Que fallait-il à tout prix dissimuler ? More and more, babe. I'm bailing in the island. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les fantômes du Drakkar. Tel est le titre d'un long article de Benoît Hopquin qui, pour Le Monde Magazine, s'est attaché en septembre 2013 à retrouver les survivants de l'attentat. Extrait. Tous ces hommes ont été mis à l'isolement 3 jours sur un bateau ancré au large de Beyrouth. 3 jours à ruminer sans la moindre aide. Puis, le commandement a décidé de les renvoyer à Beyrouth pour achever leur mission. L'aumônier, le père Yannick, l'Allemand, fut le seul à s'insurger contre cette ineptie. Il a tapé du poing sur la table. Les hommes ont finalement été renvoyés à Pau, où à nouveau ils ont été mis en quarantaine avec interdiction de parler. Mais il y a encore plus grave. Selon Hopquin, ces hommes traumatisés ont ensuite été littéralement oubliés par l'armée, qui ne leur a apporté aucun véritable secours, ni matériel, ni psychologique. Et il cite ces 2 exemples. Aujourd'hui, Lucien Jacquard prend 3 cachets le soir et 1 le matin. Il l'aide à dormir et à se contrôler. Mais chaque mois d'octobre, je m'énerve. Ma femme tente de me calmer. Je ne peux plus regarder les infos à la télévision. Je gueule tout le temps contre ce que je vois. Il faut que je revoie les copains. Ces soirs de déprime, il appelle Dominique, qui accourt. Derrière ses airs forts, Dominique gratte-panche a aussi des hauts et des bas. « Je vis avec ça », explique-t-il. « Je me lève avec ça, je me couche avec ça, je fais des cauchemars. Ça ne s'effacera jamais. » Les nuits d'orage, dès que gronde le tonnerre, un réflexe le jette en bas de son lit. Alors, pardonnez-moi, mais je fais encore un petit retour en arrière. J'ai évoqué les faiblesses de la version de l'immeuble préalablement minée. Mais je ne l'ai pas exclue formellement, car elle permettrait d'expliquer pourquoi l'armée et donc les autorités françaises ont imposé le silence aux rescapés du Drakkar. Allez-y, je vous écoute alors. Si l'immeuble a été piégé, c'est clairement la Syrie qui est accusée d'avoir perpétré l'attentat. Or, des raisons supérieures auraient pu imposer de ne pas désigner la Syrie. Mais pourquoi alors? Parce que justement, nos services secrets avaient engagé un dialogue avec leurs homologues syriens. Je peux même vous dire qu'une rencontre a eu lieu entre le patron de la DGSE et Rifat al-Assad, qui à l'époque avait encore la haute main sur les services spéciaux syriens. Au menu, il y a eu bien sûr la situation libanaise, mais surtout, il a été question des attentats sur notre sol. Oui, des attentats commandités par la Syrie. Comme celui de la rue Marbeuf en avril 1982, ou encore rue des Rosiers en août. Oui, mais ce dernier attentat a été attribué à Abu Dinal. Qui était dans les mains des Syriens, et donc de Rifat. Or, cette rencontre de haut niveau avec ce dernier a, semble-t-il, été plutôt positive. Le Syrien, qu'on a clairement menacé de représailles, a promis que notre pays ne serait plus frappé. Ni sur son territoire, ni au Liban. Oui, alors impliquer la Syrie dans l'affaire du Drakkar, c'était remettre en cause cet accord. Évidemment. Et c'est pourquoi, sur ordre de Paris, on aurait inventé cette fable du camion piégé. Et c'était d'autant plus facile que les Américains, eux, avaient été victimes d'une telle manœuvre. J'ai quand même des doutes. Moi aussi. Mais les faits sont têtus. Pourquoi, par exemple, il n'a pas été mis en place une commission d'enquête parlementaire sur cet événement gravissime, alors que les Américains, eux, ont sérieusement et longuement enquêté. Un tribunal fédéral a même pu révéler le nom du kamikaze qui se trouvait au volant du camion, un Iranien nommé Ismail Askari. À moins, mais je n'ose y croire qu'en imposant le silence, l'armée française n'ait voulu simplement, et assez maladroitement, dissimuler ses propres négligences. C'est crédible? Il faut observer qu'après l'attentat, on a assisté à un beau crêpage de chignons. Notre service de renseignement, la DGSE, a été accusé de ne pas avoir lancé d'alerte. Le chef du contingent français au Liban, le général François Kahn, a même parlé d'ineptie coupable, tandis que l'ex-patron de la DGSE, Pierre Marion, a prétendu qu'aucune protection sérieuse de la base Drakkar n'avait été mise en place. Ouais. Et après, alors, on ne pouvait quand même pas passer par profit et perte la mort de dizaines de soldats français sans réagir. C'est évident, mais qui frappait? On a eu la réponse assez rapidement. Une équipe du service action de la DGSE a préparé une opération contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Nom de code, opération santé. L'imagination des gens qui bâtissent ces actions est sans limite. En effet. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1983, une jeep bourrée d'explosifs a été stationnée contre le mur d'enceinte de cette ambassade iranienne. Mais à l'heure prévue, 3 heures du matin, l'explosion ne s'est pas produite. Conséquence, en catastrophe, les agents français ont tiré une roquette anti-char sur le véhicule. Et pour déclencher l'explosion. Oui, mais ça a raté. C'est quand même étonnant, là, ces gens-là ne sont tout de même pas des amateurs. Je suis d'accord. Alors, une fois de plus, comme dans le précédent de l'attentat contre le cheikh Fadala, on a pu imaginer qu'il s'agissait seulement d'adresser un avertissement aux Iraniens. Ouais, les Iraniens accusaient donc d'être responsables de la destruction du Drakkar. Oui, mais enfin, on en reparlera. En tout cas, simple avertissement ou attentat raté, les Français se sont couverts de ridicule, car les enquêteurs libanais n'ont eu aucun mal à identifier les acteurs de cette opération. Les plaques moteurs de la Jeep endommagées portaient des numéros de l'armée française. Ils ont aussi constaté que les charges explosives n'avaient pas été amorcées. Ce qui pourrait accréditer, alors, encore une fois, la thèse de l'avertissement. Hein. Oui, mais alors, pourquoi le patron du service action de la DGSE a-t-il été illico remplacé? Quoi qu'il en soit, la France ne pouvait pas en rester là. C'est pourquoi, 2 semaines plus tard, l'opération Brochet a été lancée. Ouais, Brochet, bon. De quoi s'est-il agi, hein? Du bombardement d'une caserne du Hezbollah dans la plaine de la Beka, à Baalbek précisément. Un bâtiment qui abritait le QG du mouvement et où étaient regroupés des miliciens iraniens et des chiites libanais. Et que l'on soupçonnait donc d'avoir organisé le double attentat du 23 octobre. À l'origine, Américains et Français avaient décidé d'attaquer conjointement. Mais peu de temps avant le lancement de l'opération, les Américains se sont désistés. Et pour quelle raison, là? Ben, ils ont jugé que ce raid était trop risqué. Mmh. Alors les Français, ils sont allés seuls. Mais les Américains ne nous ont pas totalement abandonnés. Leurs appareils ont pris l'air afin de brouiller les systèmes radars syriens et libanais. Mmh. Et comment ça s'est passé, alors? Le 17 novembre, en début d'après-midi, 8 super-étendards ont été catapultés du pont du porte-avions Clemenceau qui naviguait au large des côtes libanaises. Ils ont volé en rase-mode jusqu'à Baalbek, où les pilotes pensaient surprendre les miliciens. Première mauvaise surprise. Les avions ont été accueillis par des tirs nourris de DCA et de missiles anti-aériens. Ouais, ça ressemblait à un guet-apens. Oui, manifestement, les appareils français étaient attendus. Deuxième mauvaise surprise, mais on ne l'a appris que plus tard, la caserne bombardée était vide. Et là encore, il semble que les militants chiites étaient prévenus. En effet. Mmh. En tout cas, les pilotes ont dû faire preuve de dextérité pour éviter d'être frappés. Un seul super-étendard a été touché, mais il a réussi à regagner le Clemenceau. Mais c'était quand même un fiasco. Et on ne s'est pas privé de rigoler. Ce raid spectaculaire n'aurait abouti qu'à tuer un berger et quelques moutons. Et après, la DGSE, c'était au tour de l'armée de se ridiculiser. Mmh. Et vous avez une explication? Oui. Quelques mois plus tard, grâce à une conversation téléphonique captée par les services d'écoute libanais et états-uniens, on a découvert qu'il y avait eu une fuite venant du Quai d'Orsay. Un haut fonctionnaire, qui était un proche collaborateur de Claude Cheysson, aurait averti ses contacts syriens de l'imminence du raid français contre Baalbek. Une vraie trahison, ça. Ça y ressemble. En tout cas, cette fuite a permis aux miliciens du Hezbollah et aux gardiens de la révolution iranien d'organiser leur défense et d'évacuer la caserne qui était visée. Et qu'est devenu l'auteur de cette fuite, alors? Il n'a pas été sanctionné, il a même été nommé ambassadeur. Mais plus tard, sa progression dans l'ordre de la Légion d'honneur sera définitivement bloquée. C'est pas très cher payé, hein? D'autant qu'après ce double échec, la France est désormais présentée par Téhéran comme le petit Satan. Ah oui, à côté du grand Satan, les États-Unis. Et les deux pays vont subir les ripostes iraniennes. En décembre 83, au Koweït, un attentat endommage gravement l'ambassade américaine, tandis que 5 autres cibles occidentales sont ciblées, dont la représentation française. Le même mois, à Beyrouth, 5 soldats français de la force multinationale sont tués dans une explosion revendiquée par le djihad islamique. Suit un ultimatum de cette même organisation qui donne 10 jours à la France pour quitter le Liban. Réaction de Paris? 6 diplomates iraniens suspectés de préparer une campagne d'attentat en France sont expulsés. Ouais, ça signifie là, assez clairement qu'on soupçonne ce djihad islamique d'être manipulé par Téhéran. Absolument. Et fin décembre, des bombes exploseront dans la gare Saint-Charles de Marseille et dans un TGV, provoquant la mort de 5 personnes. Alors je retiens donc, pour revenir à l'attentat contre le Drakkar, là, que pour Paris, la responsabilité en incombe directement à Téhéran. Oui. Il faut bien reconnaître que l'Iran a alors de bonnes raisons pour en vouloir à la France. Les deux principales étant le contentieux Eurodif et l'aide que notre pays accorde à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Eurodif, il faut le rappeler, hein, c'est ce contrat sur le nucléaire civil qui a été signé du temps du Shah. Et Téhéran ne cesse de réclamer le remboursement de l'argent qui a été versé à l'époque. Quant à l'aide apportée à Saddam Hussein, elle est considérable. Paris ira même jusqu'à prélever des appareils de notre aviation pour les louer aux Irakiens. Et la mise en service de ces avions permettra aux forces de Bagdad de remporter d'importants succès militaires au détriment des armées de Téhéran. Toutefois, les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Que voulez-vous dire ? Si on s'en tient à la situation libanaise, à qui a profité le crime du Drakkar ? À la Syrie, incontestablement. Car bientôt, au début de 1984, la force multinationale va plier bagage et Damas va pouvoir régner sans partage sur le Liban. Et ça durera 20 ans. Alors, vous pensez que la Syrie était aussi impliquée ? Ça me paraît évident. Téhéran et Damas marchaient la main dans la main, hier comme aujourd'hui. Toutefois, il était plus facile d'accuser Téhéran, qui était présenté à juste titre comme la bête noire de la région, alors qu'on avait encore besoin de la Syrie. Bah, besoin de la Syrie, c'est-à-dire Parce qu'on pensait, à tort ou à raison, que la clé de toute résolution de la crise libanaise se trouvait à Damas. Il fallait donc ménager à Fayez al-Assad et faire peser la responsabilité de ce monstrueux attentat du Drakkar sur les seuls ayatollahs. Une nouvelle fois, pour aller plus loin, je vous recommande la lecture de l'excellent et récent ouvrage de Pierre Razou, « La guerre Iran-Irak » paru chez Perrin. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez comme d'habitude réécouter ce programme qui a été préparé par Rebecca Denantre, réalisé par Michel Biou et mis en musique, bien sûr, par Monsieur Djoub.